Chapitre 280. L'interdiction aux musulmans de se fuir plus de 3 jours, sauf s'il s'agit d'une personne qui affiche une innovation religieuse ou une perversité. Allah Ta'ala dit: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères. Sourate 49, verset 10. Et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Sourate 5, verset 2. 1591. D'après Anas radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a dit: ne rompez pas vos liens, ne vous détournez pas les uns des autres, ne vous haïssez pas, ne vous enviez pas, mais soyez, ô serviteurs d'Allah, des frères. Il n'est pas permis à un musulman de fuir son frère musulman plus de 3 jours. Al-Bukhari et Muslim. 1592. Selon Abu Ayyub, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a dit: il n'est pas permis à un homme de fuir son frère musulman plus de 3 jours, l'un et l'autre détournant le regard lorsqu'ils se rencontrent. Le meilleur d'entre eux est alors celui qui salue l'autre en premier. Al-Bukhari et Muslim. 1593. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: les œuvres sont présentées le lundi et le jeudi. Allah pardonne alors à tout serviteur qui ne lui associe rien dans son adoration, à l'exception de 2 musulmans ressentant de la haine l'un pour l'autre et pour lesquels l'on dit: faites attendre ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Muslim. 1594. Jabir, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: Satan a perdu espoir d'être adoré dans la péninsule arabique par ceux qui accomplissent la prière. Mais pas de créer des dissensions entre eux. Muslim. 1595. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: il n'est pas permis à un musulman de fuir son frère musulman plus de 3 jours d'affilée. Quiconque meurt alors qu'il fuit son frère depuis plus de 3 jours ira en enfer. Abu Daoud, selon les critères d'Al-Bukhari et Muslim. 1596. Abu Khirash, Hadrad ibn Abi Hadrad al-Aslami, l'un des compagnons, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le prophète, alayhi salatu wassalam, dire: fuir son frère musulman une année entière revient à verser son sang. Abu Daoud, avec une chaîne authentique. 1597. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: il n'est pas permis aux croyants de fuir un autre croyant plus de 3 jours. Au bout de 3 jours, il doit le rencontrer et le saluer. Si l'autre répond à son salut, ils sont tous deux associés dans la récompense. Mais s'il ne répond pas, le péché lui est compté entièrement. Quant à celui qui a pris l'initiative de saluer, il n'est plus considéré comme quelqu'un qui fuit un croyant. Abu Daoud le rapporte selon une bonne chaîne de narrateurs avec le commentaire suivant: ce hadith ne concerne pas celui qui fuit un autre pour Allah Ta'ala.